Chapitre 20. Le départ dans la nuit. En un clin d'œil, tout le monde fut debout. « Qui est là ?» demanda Jean-Louis Guernec d'une voix tonnante. Pas de réponse. Mais comme, les nerfs crispés, ils tendaient l'oreille, ils crurent entendre un glissement de pas qui s'éloignait. Un quart d'heure passa, dans le mutisme absolu. Soudain, un craquement, et de nouveau, trois petits coups secs frappés cette fois contre le volet. Nom d'un chien! En deux bonds, Jean-Louis était près de la fenêtre. Mais tout bruit avait cessé. Toujours la même tactique, constata Fred. On veut nous terroriser. Ils ont dû se glisser dans le fossé entre le donjon et nous. Si au moins nos gars les rencontraient en venant chez nous. Pas de danger, ils sont trop prudents, puisqu'ils savent que nous sommes là. Cela a-t-il un sens de sortir? Nous ne pouvons cependant pas rester éternellement enfermés ici. Et puis, dit Jean-Louis, les camarades aussi vont en mer. Ils ne sauront pas sur lequel des 6 ou 8 bateaux qui auront pris la mer nous ne serons embarqués. À 3 heures du matin, Topinard, Hervé et Jean-Pierre donnaient le signal convenu. Les 4 fuyards, vêtus en pêcheurs et pêcheuses, entourés par les 5 autres, sortirent de leur citadelle. Ils frissonnèrent au contact de l'air nocturne qui leur parut glacial. Mais le vent s'était calmé et quelques étoiles ponctuaient d'or le ciel noir. Ils traversèrent en silence la cour. Jean-Louis tira une clé massive et ouvrit la lourde porte. Ils passèrent par le terrain désert, s'engagèrent dans un sentier qui longeait la mer, descendirent une pente et parvinrent bientôt au port de pêche. D'autres groupes de pêcheurs, pareils aux leurs, arrivaient silencieusement. On échangeait quelques mots brefs qui tombaient comme des pierres dans la nuit et on se hâtait à son travail. Au bout de la jetée, 2 canots attendaient. Ils s'y embarquèrent tous les 9. Pendant quelques minutes, on n'entendit que le clapotis des rames dans les flots noirs. Au loin, dans les ténèbres, on commença à distinguer des vaisseaux fantômes aux voiles translucides. C'étaient les grands filets qui séchaient depuis la veille, jetés sur les mâts. Les poitrines et les visages s'étaient habitués à la fraîcheur. Les fuyards respiraient à plein poumon l'air nocturne où se mêlait une âcre saveur d'écume, de matin et de printemps. Jim serra à la brisée la main de Maya. « Mais, murmura-t-il, c'est la vie !» Quelques coups de rame encore, et on aborda. Le jeune Albert dressait sur un fond ténébreux sa carcasse solide. Une demi-heure se passa en préparatifs. Les pêcheurs enlevaient les filets, hissaient les voiles. Sur les navires voisins, on se livrait au même travail. Enfin, lentement, le bateau se mit en mouvement. Si le plan des Guernec réussissait, on naviguerait tranquillement toute la journée et, avant le coucher du soleil, en compagnie des autres bateaux, on débarquerait à La Rochelle pour vendre les produits de la pêche. Là, s'assurant qu'on n'était pas suivi, on irait directement du port au commissariat de police. Entre-temps, le père Guernec, avec un camarade, veillerait sur la maison pour faire croire aux bandits, s'ils s'en approchaient, que Maya s'y trouvait encore. Le ciel blanchissait. On était déjà loin de la côte. La vie sur le navire se poursuivait tranquillement, comme tous les jours. Topinard descendit dans la cale où il fit du feu. Bientôt, les grands verres, pleins de café noir fort et bouillant, et les énormes tranches de pain grillé circulèrent sur le pont. Des gouttes salées, portées par le vent, mouillaient le pain chaud. Maya mordit à belles dents dans une tranche épaisse et, levant vers Jim des yeux qui brillaient pour la première fois, murmura « Jimmy, c'est vrai, nous vivons. » On voyait au loin les autres navires qui s'étaient éparpillés dans des directions différentes. Les pêcheurs jetèrent les filets. Anne, diligente, tira un tricot. Hervé Malou, le plus jeune des pêcheurs, plus petit que Jean-Louis, mais d'une carrure plus large, au menton tenace, aux yeux vifs, profondément enfoncés sous des sourcils énergiques, offrit aux jeunes femmes un paquet de voiles, les invitant à s'envelopper dedans et à s'étendre sur un coin du pont. « Je crains d'abîmer vos voiles, » dit timidement Maya. « Je crains plutôt, mesdemoiselles, que ce soit nos voiles qui vous abîment. »« Voyez ce que c'est qu'un pêcheur français, » murmura Jeannette à Fred. « Vous n'auriez jamais trouvé ça. » Fred éclata. « Cette fois, j'en ai assez. Comment ? On commence par me dire que je suis un personnage secondaire. Puis, quand il faut battre un record et filer des escrocs, c'est à moi qu'on s'adresse. Quand on a affaire aux bandits, c'est mon avion qu'il vole. Quand il faut y aller de sa peau, c'est moi qui écope. Quand on me donne une partenaire, elle est mariée, et par-dessus le marché, on me reproche de ne pas être aussi galant qu'un pêcheur français. Ah non, assez, je ne marche plus. » « Ne vous désolez pas, Freddy. Moi aussi, un jour, j'écrirai un roman d'aventure, ne fût-ce que pour taquiner mon mari, et je vous promets un rôle vedette et une partenaire pour vous tout seul. » En attendant, si je pouvais au moins boxer Zerga, un direct sur la mâchoire de cette canaille orientale, quel rêve ! Jeannette le considéra d'un œil attendri. « Brave Freddy, gentil petit boxeur, vous croyez sincèrement que la philosophie orientale est représentée par Zerga, la civilisation de l'Occident par Molineux, la littérature par Jim Joy et Miss Esther Bell, et la sensation suprême de la vie par la boxe ? Vous êtes charmant. Je vous aime beaucoup, mais... » Jeannette, annonça Jim, devient mystérieuse. Pas assez mystérieuse, Jimmy, pour ne pas vous révéler une chose. Vous avez remporté une victoire plus grande qu'un knock-out infligé à Zerga. Cet enfant, et elle indiqua Maya qui respirait à plein poumon l'air salin, n'est plus accessible désormais aux hypnoses et aux suggestions malfaisantes. Jim rougit de plaisir et de confusion. « L'amour, murmura-t-il, est le plus grand des magnétiseurs. » La sensation de calme, de fraîcheur et de gaieté insouciante qui avait ragaillardé les fuyards s'évanouit tout à coup au vrombissement sourd d'un moteur. Tous levèrent les yeux. Un avion survolait la mer. Il s'abaissa au loin et tournoya longuement autour d'un navire aux voiles jaunes, puis s'envola dans la direction d'un autre. « Il nous cherche, » dit Jean-Louis. « Le mieux est de rester tranquille. » Les quatre passagers descendirent dans la cale. Bientôt, un ronflement assourdissant les avertit que l'avion survolait très bas le jeune Albert. Les pêcheurs continuaient tranquillement leur travail. Leur calme était plausible, car ils étaient habitués aux nombreux avions militaires manœuvrant dans la région. L'attente dans la petite cale obscure était torturante, mais elle ne dura pas longtemps. Le bruit s'éloigna peu à peu, et, lorsqu'il se fut tu, Jean-Louis descendit les marches, une enveloppe entre les mains. « Ils ont lancé ça, » dit-il, dans un tube métallique au bout d'une corde. Ils ont dû essayer plusieurs fois parce que le tube tombait dans la mer. Quand ils ont constaté qu'il était enfin sur le pont, ils ont lâché la corde et sont partis. Voilà ce qu'il y avait dedans. L'enveloppe était ainsi libellée. Jean-Louis Guernec pour Jim Joy. Ils ont dû en lancer une semblable sur tous les navires, dit Fred. Ce soir, tous les pêcheurs remettront la même lettre à Jean-Louis. Et s'ils l'ont ouverte, ils n'y ont rien compris, ajouta Jim, qui avait décacheté l'enveloppe, car le texte est en anglais. Très pâle, il lut. Cessez de jouer à cache-cache, nous vous atteindrons partout. Pour éviter des complications, nous vous proposons un échange. Nous avons entre nos mains May Smith. Si vous partez pour Paris sans vos amis et sans avertir la police, nous nous engageons à ne pas vous molester en route et à déposer May Smith à votre hôtel, rue Saint-Honoré, demain à 10h du matin. Vous sortirez avec May Smith et laisserez Maya dans le hall de l'hôtel. Si vous refusez l'échange, May contre Maya, nous tuerons l'une et nous enlèverons l'autre. Si vous avertissez qui que ce soit, nous le saurons et May Smith sera supprimée. Comme l'avion avait disparu, ils remontèrent tous sur le pont. Jim se détourna et fixa les vagues d'un regard hébété. Les autres, bouleversés, se taisaient. « Pauvre vieux, » murmura Fred, « il doit sacrifier Mella Brune à Mella Blonde ou Mella Blonde à Mella Brune. Maya, fatiguée par la longue station dans la cale étouffante, était retombée dans son ancienne léthargie. Anne Guernec la fixa d'un long regard et, subitement, d'un geste inattendu, passa la main sur ses cheveux bronzés. « Avez-vous remarqué, demanda-t-elle, que les cheveux de la Miss se décolorent aux racines ?» Fred et Jeannette la regardèrent ahuris. Elle se pencha vers eux et à voix basse, longuement, avec insistance, leur développa son point de vue. Quand elle eut terminé, Jeannette lança. « Anne, j'ai toujours dit que vous étiez un génie !»« Madame Guernec, déclara Fred, les gens du pays ont raison, vous êtes une femme de tête. »« Qu'est-ce ? » demanda Jim en se retournant. Fred solennellement répondit. « C'est la voix du peuple. » « Qu'avez-vous décidé, Monsieur Joy ?» demanda doucement Anne. « Mon premier devoir est envers ma belle-sœur. Je n'ai pas le droit de risquer sa vie. »« Vous sacrifiez la Miss ?» s'écria Jean-Louis avec indignation. Mais, après un bref conciliabule avec Anne, les pêcheurs se turent. Des regards étranges frôlèrent la jeune fille muette. Anne, silencieusement, descendit dans la cale et tira le paquet qu'elle avait emporté et où se trouvaient les vêtements des jeunes gens. Une heure et demie plus tard, Jim et Maya débarquaient à La Rochelle, où ils devaient prendre le train de 10h47. Maya, passive, le regard perdu, s'appuyait sur le bras de Jim, livide et hagard. « Pauvre gosse !» murmura Jeannette. « Si on lui disait la vérité !» Fred secoua négativement la tête. « Pas encore. Il l'aime trop. Il ne nous croirait pas. »